exploits, des choses exceptionnelles. On dit que je suis quelqu'un de banal, que je n'ai pas d'idéal, que je n'ai pas grand-chose dans le bocal. On dit encore que je n'ai pas beaucoup de ressorts, j'ai peur de tout, que je n'ai pas l'âme d'un conquistador. Oui, mais voilà, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au fond de mes draps, tous les soirs à l'heure où je m'endors, je construis des châteaux en Espagne, je joue et je gagne dans mes rêves les plus fous. Chaque nuit je gravis les montagnes, des mâts de cocagne, je suis le roi de tout. Aux yeux d'or en habit de lumière, je brave la colère des taureaux andalous. Je suis un héros, un grand taureau qui n'a pas peur de la mort, comme les grands matadors. Olé ! La vie, tu sais garder la jeunesse de l'amour qui recommence, tes baisers et tes caresses, chante pour moi des romances. Nous suivrons le petit sentier à travers les blonds genêts. Nous sortirons de la forêt pour aller vers les sommets. Si la neige nous arrête tout là-haut, si près des cieux, nous n'aurons qu'un air en tête, une valse que l'on chante tous les deux. Chante pour moi des romances. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Amis de l'accordéon, amis du musette, bonjour. C'est Michel qui vous propose, qui vous présente Accordéon Parade. Accordéon Parade, c'est un plateau d'accordéonistes. Le bonjour de l'accordéon tous les dimanches, 9h-10h. Et après avoir dansé le passo-doble, la valse, et bien maintenant, nous allons danser la rumba. Allez, du rythme, du rythme. Thank you. Merci à André de nous avoir interprété cette rumba musette. Et après André, eh bien, c'est Virginie. Virginie et Cyril dans un tirtaki. Thank you. Merci à Sébastien Consiglio qui vient nous interpréter un morceau de sa composition. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Salut les amis! Michel en votre compagnie ce dimanche, pour une heure d'accordéon, 100% musette sur la bande FM, c'est Accordéon Parade! Il y a quelques instants, c'était M. Jean Messade qui venait de nous interpréter, qui vient de nous interpréter les triolets. Et après Jean, eh bien c'est Kylian Deschamps qui va nous interpréter une valse de Cyril Denray, mon Savoyard. Allez, vas-y Kylian, mets le paquet. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Merci à Monsieur Émile Prudhomme de nous avoir prêté son sombrero et mantille. C'était un passe-au-double. Et on va continuer avec des mitraillettes. C'est Luis Gardon qui nous interprète Mitraillette. La radio la plus proche de chez vous sur 91 MHz. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous sur 91 MHz. qu'est-ce que vous savez danser la polka? Oh, la cadence que vous avez! Comment? Vous en voulez encore? Eh bien, on repart encore avec une polka et Gilbert Schwab à l'accordéon. Comme ça, moi aussi je danse sur cette cadence. C'est amusant, essayez ce pas en vous balançant. C'est le twist d'Auvergne à Fouchera. Pour changer la bourrée, on n'a pas copié l'étranger. Au pays, vous voyez, on s'est aussi twisté. Yeah, yeah, yeah, tout comme moi. Yeah, yeah, yeah. Comme ça, car chez nous on danse sur cette cadence, le cœur content, nous faisons ce pas en nous balançant. C'est le twist d'Auvergne à Fouchera. Cette cadence, c'est amusant, essayez ce pas en vous balançant. C'est le twist d'Auvergne à Fouchera. Yeah, yeah, yeah, tout comme moi. Yeah, yeah, yeah, faites comme ça. Car c'est nous, on danse sur cette cadence. Le cœur content, nous faisons ce pas en nous balançant. C'est le duisez au bien. Eh bien, merci à Jean Ségurel qui vient de nous interpréter de l'esquisse Auvergnat. Le chanteur de Jean Ségurel, c'était Jossonite. C'était au début que Jossonite se lançait dans la compétition des accordéonistes. Allez, un petit passe-double. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et comme tous les dimanches, de 9h et pendant une heure, une bonne heure, c'est Michel qui vous propose son émission Accordéon Parade. Accordéon Parade, c'est le plateau de l'accordéoniste. Le bonjour de l'accordéon. Une émission pour les mordus du dépliant. Et c'est 100% musette sur la bande FM. Et pour continuer cette émission, eh bien, j'ai fait appel à Marceau qui va nous interpréter un souvenir de Clichy, Monsieur Marceau. Merci à Monsieur Marceau pour ce souvenir de Clichy. Et maintenant, eh bien maintenant, il y a un garçon qui vient avec son tralala. Ah, ah, Monsieur Michel Prouvot, son tralala. Thank you. pas. Je voudrais tant que tu ne regardes que moi. Et surtout ne me rends jamais jaloux. C'est une chose qui me rendrait fou. Mais le señorita, tu seras mon combat. Pour toi oublier tous mes amours d'autrefois. Passe au double bien la belle Saint-Anne. J'ai eu vraiment envie de t'enlacer. Chanter, jouer les castagnettes et puis danser. Olé, Maria, tu es si belle. Maria, fille cruelle. Dans tes yeux, une étincelle. Je suis de plus en plus amoureux. Maria, et tes dentelles. Maria, tombe sur scène. Je vois dans tes yeux de l'âme qui brille. Petite fille, toujours amoureux d'une. Merci, merci à Jocelyne qui vient de nous interpréter une de ses dernières compositions, Maria, et c'est un paso doble. Merci au trio Mauricio qui viennent de nous interpréter cette merveilleuse valse, une valse de leur composition. Et c'était un sympathique duo qui nous venait du Portugal. Et bien maintenant, avec Manine Mauguin, nous allons faire un petit tour auprès du lac. Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Merci à Dominique Moissan qui vient nous interpréter deux passodobles. Et c'est avec ces passos que se termine ce dimanche. Ce dimanche 14 avril se termine, eh bien, Accordéon Parade. Et ce dimanche, on fête les Maximes. Alors, bonne fête à tous les Maximes qui écoutent sur GFM. Et je vous rappelle encore une fois qu'Accordéon Parade, c'est un plateau d'accordéonistes. Le bonjour de l'accordéon tous les dimanches de 9h à 10h. La seule émission 100% musette sur la bande FM. Et c'est uniquement le dimanche. Émission pour les mordus du dépliant. Je vous souhaite de passer un bon dimanche avec du soleil. Et bye bye! Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. C'est dimanche. Et c'est Michel qui est en votre compagnie ce dimanche pour une petite heure de détente, de bonne humeur. Ne faites pas la gueule. Vous faites la gueule, pourquoi ? Parce que vous avez été agressé par deux abrutis. Mais ne faites pas attention. Écoutez sur GFM et tout partira. Je pense que vous allez bien. Avec ce soleil, c'est agréable. N'oubliez pas que ce dimanche, eh bien ce dimanche, on fête les Maximes. Alors bonne fête à tous les Maximes qui écoutent les 91, les 91 MHz de Sorgi FM. Comme le loup de Tex-Avery, les yeux qui sortent de la figure et la langue qui descend sur les chaussures. On adore être regardé, mais défense de toucher. Ça finit mal pour tous les mâles qui s'y sont essayés. Comme le pompier qu'on a laissé tout nu pendant deux heures dans l'ascenseur. Jules à la maison se tape toutes les corvées. On fait les clowns habillés en pin-up par la télé. Ça fait les dettes, ça fait les fêtes, les galeries farfouillettes des coco girls. Allez les filles, imitez-nous, affichez vos maris. Étonnez-vous, déguisez-vous en soubrette, en bunny. Et profitez sur l'oreiller des idées qu'on donnait les coco girls. La vie est bien trop courte pour s'y casser les pieds. La vie est bien trop belle pour la laisser filer. Assumer notre sexe, vivons sans complexe. 36 heures sur 24, c'est vivant. Coco boy, coco girl. Tu es dieu de tête, tu es dieu de tête. Tu es dieu de tête, tu es dieu de tête. Et quand une coco girl rencontre un coco boy, ça fait du oui, ça fait du you, ça fait du you de là. Et c'est sur un air de Paso Doble qu'on va commencer les dédicaces ce dimanche matin. La semaine dernière, j'avais passé Ginette Reynaud dans une merveilleuse chanson et l'auditrice a téléphoné dans la semaine à Sylvie m'a dit qu'elle n'était pas bien contente parce qu'elle n'a pas eu le morceau qu'elle avait demandé. Ben oui, ça arrive, des choses comme ça. Mais il faut être gentil quand même avec Sylvie, parce qu'elle fait tout ce qu'elle peut, la pauvre. Alors, j'ai retrouvé ce morceau, surtout qu'en fin dédicace, la semaine dernière, j'avais dit à l'auditrice qui s'appelait Raymond, je crois, j'avais dit, si c'est pas ce morceau-là, faites-le-moi savoir en téléphonant au 04 50 56 01 48. C'était facile, un coup de téléphone et ça serait arrangé. Bon, on va pas encore polémiquer parce que Michel, il fait que de polémiquer. Bon, alors donc, cette auditrice, elle aurait aimé Ma vie de Ginette Reynaud. Eh bien, on va écouter Ma vie par Ginette Reynaud. C'est une chanteuse canadienne et c'est pour le plaisir de Raymond, à Bellegarde, je pense. Et je vous signale que si vous voulez un morceau précis, eh bien, téléphonez à la radio la semaine pour l'avoir le dimanche. Alors, on va écouter Ma vie. Je pense bien que c'est ce morceau-là, car Ginette Reynaud a chanté deux chansons, Ma vie et La vie. Mais c'est Ma vie de Ginette Reynaud, et c'est pour le plaisir personnel de Raymond. Ginette Reynaud. C'est fait de rien, c'est la chanson du quotidien, c'est un sourire ou une larme. La vie, c'est un oiseau qui monte au ciel, c'est un orage, un arc-en-ciel, des yeux d'enfant qui vous désarment. La vie, c'est la montée de longs chemins, à faire à deux mains dans la main, jusqu'au grand soir où tout s'enflamme. La vie, c'est l'inconnu du lendemain, c'est le passé qui vous revient comme un regret de vieille dame. Ma vie à moi, je l'ai vécue comme j'ai voulu, je l'ai choisie non pas en plus, je prends mes erreurs sans partage. Ma vie à moi, c'est un combat que j'ai mené, et si Dieu veut me pardonner, j'irai plus haut que les nuages. Et bien voilà, c'était Ma vie, interprétée par Ginette Reynaud, et c'était pour le plaisir de Raymond. Alors Raymond, je pense que vous êtes satisfaite ce dimanche matin, et faites-le-moi savoir au 04 50 56 01 48, ça me ferait plaisir. Et bien maintenant, on va continuer les dédicaces. Dans quelques secondes, dans une minute, il va être 10h30 ce dimanche 14 avril. Pourquoi 10h30 ? Parce que Reine, la semaine dernière, a attendu que la fin de sa dédicace. Et Reine, la semaine dernière, fêtait ses 93 ans. Alors on va lui refaire la dédicace, on va écouter Au bas d'oiseau par André Marc, son accordéon, son orchestre. Alors c'est pour vous toute seule reine, de la part des anciens destités et de Valentine. Alors bon anniversaire encore une fois reine, puis je pense que ça s'est très bien passé. Et pour vous toute seule, eh bien nous allons écouter André Marc qui va nous interpréter Au bas d'oiseau. Bon anniversaire à vous reine. Encore une fois, bon anniversaire à vous, reine. Et puis, un petit coup d'accordéon, ça fait pas de mal, ça fait du bien. Allez, vous êtes tellement sympathique, Raymonde, que... reine, que je vais vous repasser ce morceau-là, comme la semaine dernière. Allez, encore une fois, et vive les 93 ans. We'll be right back.

passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes, s'efface de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Très belle chanson interprétée par Anne Sylvestre, la chanson de Prévert, très belle chanson de Serge Gainsbourg. Et bien maintenant, on va écouter Mignon Mignon par René Lataupe. Et c'est de la part de Katia de Saint-Germain-de-Joux pour son papa. Maintenant, c'est au papa, pour son papa Franco, qui va écouter René Lataupe. René Lataupe, et c'est de la part de Katia de Saint-Germain-de-Joux pour son papa. On écoute. Ce qui me plaît chez toi, c'est ton petit bidon. Petit poignet d'amour, je trouve ça trop mignon. Même si les sauts dans la rue te trouvent un peu trop gras, au moins c'est confortable quand tu me prends dans tes bras. C'était pour Franco et c'était de la part de sa fille Katia de Saint-Germain-de-Joux. Enfant des villes, ou enfant des foins, on se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera, comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira...

m'aime, je n'oublierai jamais ce clocher qui chante. Carillon que les gars des montagnes accompagnent un bouquet. Et les accordéons répétaient d'un air joyeux. Les filles de pays en dansant baissaient les yeux. Les oiseaux chantaient dans le feuillage. Mariage au village. Et le petit vin doux réchauffait les vieux parents. On voyait grand-maman qui dansait comme un clopin. En disant c'est encore de mon âge, car j'ai l'âge du bon temps. Je n'oublierai jamais ce coucher qui chantait Marion. Il va bientôt être 11h. Alors, auditrices, auditeurs de Sorgi FM, je vous souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine, et bye bye, à bientôt!